À cet endroit, je peux m'arrêter un bref instant en laissant mes feux allumés. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En éteignant mes feux. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.